This poor roots. Ma banlieue, c'est la foireuse arme à feu, mon rap parle à ceux. Ma banlieue, c'est la foireuse arme à feu, mon rap parle à ceux. Ma banlieue, c'est la foireuse arme à feu, mon rap parle à ceux. Ma banlieue, c'est la foireuse arme à feu, mon rap parle à ceux. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Des poules. Tu m'identifies? Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Des poules. Pour le zar, Paris Nord. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Pour les carouches, les arbouches, les manouches, les garouches. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Mon premier frérot qui prend ma musique, fait péter mon rap. On s'attrape, on se colle, voisin se l'a dit. Dès qu'on est plus de 4, on est une bande de cons. Qu'est-ce que tu me souris? Oh, il ne doit en rester qu'un. Tu veux me la mettre pendant que je porte mon sweat? Grièvement blessé au cœur, mon frérot fait plaisir. Il nique la race au deck sur hoche. Dans les rébellions urbaines, ma gueule à la mort. Devant une arme blanche, t'arranges sur le tarot. Les cops le sortent, de leur mégane 2. Négro, si tu bois, tu meurs. Tu bois pas, tu meurs quand même. Alors bois et meurs. Tu connais Routy dans sa folie verbale. De toute façon, mon pire ennemi à moi, c'est ton interprétation. Daron a posé un genou à terre, le rock est obsolète. Il dit que la misère est moins pénible au soleil. Tu sens pas populaire, mon frère est foulec. Te loge une boulette, se casse au boulet. Tu connais la rue, connais-tu de mon vécu? Des poules. Tu m'identifies? Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Des poules. Pour le zar, Paris Nord. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Pour les carouches, les arbouches, les manouches, en garouche. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Mon second frère te sort des fards, des passeports vierges. Comme tu bois de l'eau, il se balade, un truc de fou malade. Il se décolore la peau, fout la honte. Mais je l'aime quand même, t'as vu? J'y peux rien s'il veut ressembler à Craig David. C'est pas très grave, il excelle dans les chèques en poids et les mariages blancs. Son cœur il saigne tout le temps. Une Benz à l'ancienne, Weston, maîtresse, il faut lui bille dans les bus. Du OG à ma moto et un frigo vide. La liberté en deux syllabes. L'euro, ça s'en va, ça se nique, ça revient comme Cecilia. T'as le flamme au boutou sur une brosse sale. Franck, c'est ce que c'est qu'un Zaza. Les darons veulent pas d'argent de MC avec un buzz de rue. Ils disent qu'ils continuent à temps passif. À cette heure-ci, y'a qu'une bape tout fraîche de basque. Assez folle pour venir me lover dans la marche. Avec un morceau comme arrêté, ils vont jamais me renouveler ma carte de séjour. Une larme sur la joue. Ils vont me pousser dans un charter avec mes CD, mes shocks, ma wife. Benjamin Sylvania, baiser ma life. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Des poules. Tu m'identifies? Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Des poules. Pour le zar, Paris Nord. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Pour les carouches, les arbouches, les manouches, en garouche. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Mon cadet se sent agressé quand je dis y'a Dieu qui juge. T'écoute pas par le bon orifice, réécoute. Arrête de me traiter de koufa. J'aime Dieu, je flippe de lui. Je le supplie de m'éviter la catastrophe existentielle avant d'investir dans un tapis. T'écoute mal, Roots, c'est pas un clasheur en sang. Au grand MC, la banlieue sera toujours reconnaissante. J'écoute en boucle les critiques des muslims et des Marseillais, puis everyday I'm hustling. Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Des poules. Tu m'identifies? Qu'est-ce que tu connais de la rue? Connais-tu de mon vécu? Des poules. Pour le zar,